hier j'ai croisé dans le bus. Oh, arrêta. Elle m'a dit qu'elle ne priait plus. Qu'elle n'avait plus la foi. Je n'ai pas oublié le rêve du pasteur Martin Luther. Je veux l'égalité.